Salut à toutes et à tous, c'est Donny Jeep. Aujourd'hui, j'espère que vous avez prévu votre tenue de baroudeuse et de baroudeur, parce que je vais vous parler d'un manuscrit qui va vous révéler les secrets enfouis de ce qui est pour moi la plus grande saga de jeux vidéo action-aventure, à savoir Uncharted. Alors le temps que je saisisse mon purba et débloque le générique d'intro, lacez vos chaussures de randonnée et vérifiez bien que votre latin du XIIIe siècle n'est pas trop rouillé. Let's go! Est-il vraiment besoin de présenter la saga Uncharted? Cette série de jeux action-aventure créée par Naughty Dog qui a fêté en novembre dernier ses 10 ans, 10 années durant lesquelles, au fil de ses opus, elle a imposé Nathan Drake, son héros, comme l'un des personnages les plus iconiques du jeu vidéo. La renommée publique et critique de la licence n'est plus à faire, et pourtant, paradoxalement, nous n'avions jamais eu de véritable livre à son sujet. Alors oui, nous avons eu droit à de très bons articles de magazines, qu'ils soient web ou papier, des artbooks de grande qualité parus chez Dark Horse, notamment une version collector superbe qui fait les beaux jours de ma bibliothèque personnelle, mais en termes de monographie, pour l'instant nous étions orphelins de ce type d'ouvrage qui nous révèle tous les secrets d'un jeu, étudie son univers, son gameplay et son histoire. Et bien cette quête est enfin achevée avec la sortie le 12 février 2018 d'Uncharted, le journal d'un explorateur. Livre coécrit par Nicolas Denechaud et Bruno Provesa et publié par Sœur d'édition. Mais avant de partir tête baissée à l'aventure, il est de bon ton de présenter nos guides. Tout d'abord le camp de base, à savoir Sœur d'édition. Aux manettes de cette jeune maison d'édition dédiée aux jeux vidéo, nous trouvons le duo Mehdi El Kanafi et Nicolas Coursier, deux types passionnés par la presse papier depuis leur plus jeune âge, qui ont notamment lancé Console Syndrome, un magazine amateur toulousain en 2004, avant de créer une maison d'édition du même nom en 2010. Cette structure va entrer dans le giron de Pix & Love un an plus tard, et Mehdi et Nicolas vont éditer et même co-rédiger une vingtaine de livres chez Pix & Love. Fort de cette expérience, ils créent en 2015 Sœur d'édition. Leur démarche éditoriale s'articule autour de plusieurs collections bien distinctes. La première est dédiée aux grandes sagas du jeu vidéo, la seconde à l'univers du rétro gaming, la troisième se spécialise dans le RPG, la quatrième va élargir le champ d'analyse à tout ce qui est la pop culture, et la cinquième va regrouper les ouvrages jeunesse. Ils proposent également un podcast mensuel qui permet de mettre en avant leurs ouvrages et surtout la façon dont ils les ont créés avec leurs auteurs. Des auteurs aux sensibilités et plumes variées, mais toujours de grande qualité. Et parmi eux, nous allons trouver Nicolas Denechaud et Bruno Provesa, le duo qui a écrit ce Uncharted, le journal d'un explorateur. Le second nommé est probablement le Victor Sullivan du duo. Expérimenté, il a été rédacteur en chef du site web Mad Movies de 2002 à 2006, période durant laquelle il a également dirigé le magazine hors-série dédié justement aux jeux vidéo, et c'est un auteur aguerri, il a coécrit Resident Evil, Des zombies et des hommes, Bienvenue à Silent Hill, ou encore Le professeur Polymathus dans une brève histoire du jeu vidéo. Pour l'ouvrage sur Uncharted, il fait donc équipe avec Nicolas Denechaud, qui va lui être le Nathan Drake du duo, le jeune aventurier qui se lance avec une vitalité débordante, et qui avant d'écrire ce premier livre, a exercé avec talent sa plume sur les sites cinégenre.net ou encore merlanfree.fr. C'est donc cette équipe de choc qui nous offre Uncharted, le journal d'un explorateur. Rien que sur la forme, l'ouvrage est superbe, avec sa couverture cartonnée de qualité et la très belle et nostalgique illustration de couverture signée Bruno Wagner. Comme pour tout livre phare de Sœur d'édition, nous avons même droit à une version First Print, qui proposera elle une superbe couverture alternative que l'on doit cette fois à Sylvain Sarraï et dont l'illustration est en plus disponible sur format Ex Libris. Et pour ceux qui ne jureraient que par le numérique, une version e-book est prête à débouler sur vos liseuses. La qualité du papier est également au rendez-vous et il ne fait nul doute que Sir Francis Drake, Marco Polo ou encore Laurence d'Arabie auraient pris un réel plaisir à écrire dessus. Mais cet honneur a donc échu à Nicolas Denechaud et Bruno Provesa qui, durant 240 pages, vont nous faire revivre et surtout découvrir toutes les arcanes de la saga. Leur écriture correspond parfaitement à la licence dont ils parlent. Précise et fluide, elle nous porte au travers des différents chapitres comme le cours bienveillant d'un fleuve à travers une jungle luxuriante qui nous émerveille d'arbre en arbre et donc de page en page. Les premiers chapitres s'attachent à nous faire redécouvrir l'histoire de Naughty Dog, studio au départ baptisé Jam Software et fondé en 1984 par deux ados touche-à-tout passionnés de jeux vidéo, Andy Gavin et Jason Rubin. Là encore un duo qui n'est pas sans rappeler les jeunes Nate et Sam Morgan et dont la devise de Francis Drake, Sic Parvis Magna, la grandeur vient des débuts modestes, pourrait tout à fait correspondre. C'est un réel plaisir de lire leur pérégrination et de voir comment ils vont, durant une dizaine d'années, petit à petit se faire une place dans l'industrie vidéoludique, puis ensuite un réel nom avec les succès de Crash Bandicoot, puis Jak and Daxter. Les auteurs nous font vivre ces événements en intégrant ça et là des anecdotes bien placées et on a réellement l'impression d'être dans les locaux du studio de développement californien, le Chenil, comme il est surnommé par les employés, et donc de participer à la montée en grade d'Evan Wells et Christophe Balestra, qui deviendront présidents en 2005, ainsi qu'aux arrivées successives d'Amy Henning, Bruce Tralley ou encore Neil Druckmann. Passé ce premier cycle des Dogs, le livre nous plonge alors dans la conception de la licence Uncharted. Je vais bien sûr pas ici dévoiler ce qu'il raconte, car pour cela il vous faudra lire l'ouvrage, mais là encore nous avons une foule de faits et anecdotes passionnantes qui se dévorent sans que l'on s'en rende vraiment compte. L'accent est notamment mis sur la manière si particulière dont le studio fonctionne, ainsi que sur le travail fondamental qu'a fait Amy Hennig. Du projet original qui s'apparentait à un TPS en monde sous-marin, projet finalement avorté car à la même époque, 2K et Ken Levine préparaient Bioshock, à l'accouchement difficile d'Uncharted 4 avec la multitude de départs qu'aura subi le studio, dont celui d'Amy Hennig, et en passant par les succès phénoménaux de Monk's Eve et Drake's Deception, c'est dans un véritable rollercoaster que Denis Cho et Proveza nous embarquent. Nous dévoilons donc les coulisses de développement des épisodes avec de solides infos et sources à l'appui. Afin de nous faire reprendre notre souffle, il s'attarde ensuite sur Golden Abyss, l'épisode Vita, et Uncharted The Lost Legacy, le DLC qui est finalement devenu un spin-off et, pourquoi pas, le prologue à de nouvelles aventures avec d'autres personnages que le trio Nate, Elena, Sully. Enfin, ça ce n'est pas un fait avéré, c'est plutôt un vœu pieux de ma part. Toujours est-il qu'il n'oublie pas non plus d'aborder rapidement les produits dérivés, comme le roman dont je vous avais parlé dans une autre vidéo, ou encore les comics et les jeux de plateau. Mais si vous croyez que vous étiez arrivé au bout de l'aventure, brave exploratrice et explorateur, vous n'avez encore rien vu. Nous n'en sommes qu'à la moitié du livre, et le morceau de choix, la relique suprême, est encore à venir. Elle va se matérialiser avec l'immense et merveilleuse partie traitant des histoires et mythologies. À la fois celle des jeux, mais aussi celle du monde réel qui ont nourri les jeux, les joueurs, mais également avant eux les fantasmes des aventuriers et aventurières qui ont sillonné notre planète les siècles derniers. C'est personnellement cette partie que j'ai le plus aimée. Ouvrir ce chapitre était comme ouvrir les portes de Shambhala, en parcourir les pages comme en parcourir les plages de Libertalia. En ces lieux, les auteurs vont nous raconter ou nous re-raconter l'histoire des jeux tout en les mariant à chaque fois avec les faits historiques et parfois mythologiques auxquels ils font référence. La qualité littéraire avec laquelle cela est fait donne un goût de docu-fiction particulièrement captivant. Il est merveilleux de jongler entre les aventures de Nathan et Sully dans la jungle amazonienne en passant par la légende d'Eldorado, les aventures maritimes de Francis Drake qui va s'attaquer à une circumnavigation avant d'annihiler l'invincible armada espagnole, ou alors s'attaquer aux étranges monastères tibétains, revivre le périple de Marco Polo, la fin de l'Empire Osaïla, et j'en passe tant il y aurait des choses à dire, mais je ne veux surtout pas vous priver du plaisir de la découverte. Ce savant mélange ravira bien sûr les fans de la saga, mais peut, par sa forme si particulière, totalement plaire aux lecteurs curieux qui ne connaîtraient pas la série. Ils n'auront jamais l'impression d'être perdus. Autre point important qui m'a particulièrement plu, c'est que nous avons enfin une véritable chronologie des aventures de Nathan et sa bande, et donc des marqueurs temporels qu'il fallait souvent déduire dans les jeux. A titre d'exemple, j'ai ainsi appris que l'aventure du roman Uncharted, le quatrième labyrinthe, se déroule entre Uncharted 2 et 3. Moi qui pensais à l'origine qu'elle prenait place avant Golden Abyss, et c'est d'ailleurs ce que j'avais affirmé dans ma vidéo sur le roman. C'était donc une erreur de ma part, et j'en profite ici pour présenter un erratum. Cette grande partie du livre bouclée, nous pouvons enfin revenir à la civilisation, reprendre nos esprits, rassasiés par la découverte de tant de merveilles. Le livre nous propose alors de nous reconnecter avec la terre ferme en dévoilant une courte partie de décryptage où sera traité le talent narratif de la saga, ses expérimentations cinématoludiques, le gameplay ou encore des points sensibles comme sa fameuse dissonance ludo-narrative. C'est au bout de ce chemin-là que Nicolas Denis Cho et Bruno Proveza nous laissent, nous accompagnant une dernière fois avec une salve de remerciements. Et c'est surtout à nous, lectrices et lecteurs, aventurières et aventuriers, de les remercier pour ce travail colossal qui rend enfin justice à une saga culte du jeu vidéo. Cet ouvrage est donc une nouvelle superbe relique que Sœur d'édition nous a offerte. Et si sa place est sans doute dans un musée, elle est aussi certainement dans votre bibliothèque. Pour ce faire, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site de Sœur d'édition. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous remercier d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. Comme d'habitude, j'aurai plaisir à converser dans la section commentaires. Car même si j'ai déjà bien parlé de cet ouvrage, sachez que je n'ai pas révélé la moitié de ce que j'ai vu, car je savais qu'on ne me croirait pas. Et c'est sur cette citation de Marco Polo que je vous dis à bientôt. Ciao ciao.